Alors, bon bah salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo et ce petit podcast puisqu'on va mixer les deux. Vous aurez une version plus longue en audio et une version plus courte en vidéo, tout simplement. Et on parle dans son micro s'il vous plaît. Pardon. Donc, on fait une petite vidéo pour que vous appreniez un peu à connaître l'équipe de Comics Discovery. Malheureusement, on n'a pas toute l'équipe, on fait un petit bonjour à Mathieu qui nous regarde peut-être. Donc malheureusement, il n'a pas pu venir. Mais on va se contenter. Et à Ruby aussi. Et à Ruby aussi, oui. Oui, Ruby. Ma partenaire Ruby, qui est en vacances. Excuse-moi. C'est pas grave. De toute façon, elle a fait qu'une émission pour l'instant. Ouais, donc voilà, si elle n'est pas vraiment encore trop. Elle n'est pas titularisée. Ouais, voilà, elle n'est pas titularisée encore. On va dire bonjour, on va passer de ce côté. Bonjour Maxime. Bonjour James. Il regarde la caméra. Non. Non, on regarde, non. Pas, la caméra, on regarde pas la caméra. D'accord. Bonjour. Ta beauté, Mob Duby là. Bonjour James. Bonjour Maxime, tu viens d'où Maxime? Pourquoi tu Je viens de Sète, la ville de François Comen et de Lionel Brier. Ouais. Non. Non. C'est qui ce mec? Je connais pas. Je connais pas. Bonjour à Maxime, à côté de lui. Il y a Petit Gilles. Petit Gilles, la caution cinéma de ce podcast. Petit Gilles, ou... Oui, Petit Gilles, il a tiré sur le fil. Ah, mais c'est pas grave. Pardon. Donc, le Petit Gilles. Bonjour. En civil. Tom. Oui, je tiens à dire que lors du podcast de Suicide Squad, Thomas, ici présent, a été appelé Tom pendant tout le podcast, oui, mais vrai. C'est moi, Tom. Lui, c'est Thomas. Donc voilà. Non, mais maintenant, c'est Gilles. Donc Gilles, sinon. Gilles, voilà. c'est Tom, c'est plutôt. Ok, c'est non, le bordel, mais. Non. C'est pas grave. Bon, bonjour Gilles. Bonjour James. Et bonjour Thomas. Bonjour. Et la moindre discrétion, ça va me. Donc, le principe de la vidéo. Ça va être qu'on va se poser 15 questions autour du comics pour que vous appreniez un peu à nous connaître et à savoir nos goûts autour du comics et savoir quel conseil il faut suivre et quel conseil il ne faut pas suivre. Pro tips, il ne faut pas suivre les conseils de cette personne ici. Voilà. On va commencer avec la première question et c'est Maxime, vu que c'est lui qui a imprimé la feuille. C'est lui qui va. Voilà, je suis le seul qui a préparé cette émission. C'est moi qui ai fait les questions quand même. À la base, c'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Comics Play où il y avait 20 questions, mais 20 questions pour 4 personnes, ça va être un peu long, donc j'ai un peu élagué, puis j'ai un peu changé 2-3 questions que je trouvais. Tu peux le dire, mal écrite. Non, pas mal écrite. je trouvais pas utile que d'autres trucs auraient été plus sympas, donc voilà. Bonjour à Comics Play, et puis merci pour ce concept qui est assez sympa. On va passer à la première question. On est prêt? Vous êtes prêts tous? Tout le monde est prêt? Attends, je suis pas prêt. Tu me dis, c'est bon. C'est bon? Tom, c'est bon. Non, Thomas. Bon. Non, non. Thomas. La question numéro 1 est la suivante. Pour 3 points et 2 bananes. Comment avez-vous découvert les comics? Je te laisse, parce que sinon ça va faire un monologue. Vas-y. D'accord, moi je vais commencer. Alors, c'est un peu... Enfin, c'est pas un peu compliqué. Mes parents, en fait, collectionnaient beaucoup des vieux livres. Du coup, j'entraînais beaucoup chez ce qu'on appelle les booklists. Donc c'est là où vous avez tous les vieux livres d'occasion et tout. Si vous avez moins de 20 ans, ça n'existe plus. Bah si, ça existe encore. Il y en a encore partout. Moi, tu me regardes, j'ai plus de 20 ans. Hein. Pardon. Non, mais c'est pas ça grave. Ça commence. Bon, c'est pas grave. Avec mes parents, on allait beaucoup chez les bouquinistes. Et à cause d'une série télé, et bizarrement, c'est une série télé que je pense tout le monde a oubliée, qui s'appelait Doug. Je vous mettrai une image comme ça. Je sais pas si est-ce que vous souvenez. Non, je connais pas du tout. C'est pas le truc avec le chien? Non, c'est le mec qui a une tête bizarre avec des cheveux bizarres. Ouais, voilà. Quel rapport avec les comics? Et ben en fait, il collectionnait des comics. Et je me suis il a un t-shirt vert. Ouais, peut-être. Ouais. Et des cheveux en brosse. On s'en fout. Donc, il collectionnait des comics. Et je me disais, putain, c'est trop cool. Et comme on allait chez ces bouquinistes, je voyais tout le temps des vieux comics. Et je me disais, putain, j'aimerais trop collectionner des vieux comics. Je trouve ça classe. Il y avait un côté américain et tout. Ça faisait, dans ma petite tête de personne de 10 ans, c'était cool. Donc j'ai commencé à collectionner ça, et à l'adolescence j'ai un peu laissé tomber parce que j'étais un ado con, pour être sincère. Et depuis les New 52, je pense, ça fait quoi? C'est combien de temps les New 52? C'est 2012-2013. Ouais, donc à partir de là, j'avais recommencé, je crois, un an avant chez Panini, où je relisais du Marvel, et je me suis vraiment remis à fond dedans avec Urban Comics, et c'est comme ça que j'ai découvert je suivais à fond les comics. Mais au moins, quand tu étais tout jeune, tu lisais tes comics? Oui, je lisais les comics, j'étais à fond sur. Mais du coup, j'achetais surtout des vieux Strange. Donc, pour les ouais. gens encore plus vieux que moi, les vieux Strange, c'est les tout premiers kiosques de comics. C'est les ancêtres de Panini un peu. Ouais, voilà. Bah, c'était chez Lug, vous aviez du Daredevil. Il n'y avait que du Marvel. Il y avait du Daredevil, mais du Daredevil vieille époque. Quand c'était pas un héros badass, c'était juste un mec qui se prenait grave au sérieux, qui avait des héros tout pourris, genre le Cobra. C'est vraiment des trucs un peu. C'est très old school, avec Iron Man en mode Tom Selleck avec ses grosses moustaches et ses cheveux très bouclés. C'était assez kitsch, mais c'était cool. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, c'est sympa. Donc voilà, c'était mon histoire. On va passer à toi, peut-être. Ok. Donc moi, j'ai commencé les comics. Dès que j'étais petit, en fait, parce que j'ai été élevé avec les films de Sam Raimi, les Spider-Man de Sam Raimi. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît? De quoi? Quand tu étais petit. Okay, parce que pour moi, c'est difficile. C'est vrai, j'avais oublié, je suis avec des vieux. Alors, quand j'étais petit, je veux dire quand j'avais quelques mois, quoi. Genre, j'ai été élevé avec Spider-Man. Je me suis jamais rappelé ne pas avoir un Spider-Man avec moi, en fait. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été avec la cassette de Spider-Man, toujours... mes figurines de Spider-Man, et du coup j'achetais des Spider-Man magazines ou des Spidey, ma mère m'achetait ça quand j'étais petit, et du coup c'est là que j'ai commencé à lire Spider-Man, et en grandissant... en grandissant aussi, j'étais fan de Batman aussi quand j'étais petit, donc après j'ai commencé à lire des kiosques Batman de temps en temps, mais je suivais vraiment pas régulièrement. Et en grandissant, j'ai commencé à aimer beaucoup Star Wars et j'ai voulu me renseigner sur l'univers étendu. C'est là que j'ai commencé vraiment à acheter plein de comics chez Delcourt avec justement Star Wars. Et après, c'est le moment où j'ai vraiment eu le déclic, c'est quand j'ai commencé à lire Watchmen. Et là, je me suis plongé totalement dans le genre du super-héros et aussi de l'indépendant aussi. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Enfin, j'ai toujours été dedans. Alors moi, c'est très récemment. Avant, j'allais voir les films, j'adorais les films de super-héros et tout ça, mais je m'étais jamais vraiment intéressé aux comics parce que je trouvais ça long, je me disais, je vais commencer une histoire, je vais rien comprendre. Enfin, comme beaucoup, je pense, au début. Ouais. Et en fait, pour l'avant-première de Man of Steel, je me souviens, au Gaumont Multiplex de Montpellier, petite dédicace. C'est pas là où on avait distribué des trucs. Si, bah justement, et j'ai gagné, sous mon fauteuil, j'ai gagné un... Tu n'as pas gagné la place aussi? Si, j'ai gagné. Bon, je gagne tout le temps des trucs, moi. C'est même vous qui me l'aviez offert, la place, je crois. Oui, ouais. Vous avez gagné la place. Ouais, mais c'est pas à toi, c'est à moi, là. et du coup, là, pendant l'avant-première de Man of Steel, je faisais gagner des petits lots et j'ai gagné mon premier comics. C'était le DC Saga numéro 10. Et du coup, c'est... Avec le 10. Ouais, et c'est de là que tout est parti. Du coup, je me suis acheté les 9 autres et c'est de là que tout est parti. Ok, c'est cool. Voilà. Vas-y, Max. Du coup, moi, on a un peu un parcours croisé, tous les deux. Parce que du coup, moi, je suivais un peu... quand j'étais jeune, j'ai commencé avec la série... je regardais beaucoup la série Batman et... tout le monde, ouais. Peut-être toi un peu moins, mais... la série Batman, ça nous... Ça, et puis... après, au collège, je lisais le run de Straczynski et de Romita... Je tiens à dire une anecdote. Que monsieur... Tu l'as dit normalement, donc tu peux la dire maintenant. Que, quand t'étais petit, tu te baladais en tenue de Batman, et donc, t'allais en Batman à Carnon Plage. À Carnon, parce que pour la petite anecdote, mon oncle avait un magasin de pêche, et en fait, il faisait tout le... Si vous connaissez Carton, il y a Carnon, il y a toujours un magasin de pêche au même endroit, et en fait, tout le tour lui appartient, et en fait, j'avais une Batmobile, et j'avais un karting, je me déguisais, je passais mes journées là, et j'étais hyper connu dans Carnon, j'avais une notoriété. C'était le Batman. C'était moi, Batman. Voilà. Le Batman de Carnon, il est avec nous. Je dois vous l'avouer. Si tu veux, j'ai même une photo qu'on mettra sur le Facebook, si tu veux. On la mettra. Du coup, donc, je disais, au collège, j'achetais le run de Straczynski et Romita, et le début de... C'est avec ce truc moche. Moi, c'est avec les premiers kiosques Spider-Man que j'ai achetés, c'était justement Romita et Straczynski. Et du coup, il y avait ça et Ultimate Spider-Man aussi. Je lisais ça... Bah, du coup, ça m'a un peu. Honnêtement, ça m'a un peu refroidi. J'avais acheté les 4 premiers. C'est une pute, je peux pas lire ça. Bravo, heureusement qu'on avait dit qu'on arrêtait les gros mots. Excusez-moi, on a dit qu'on arrêtait d'être vulgaire. Je couperai. Donc. Notre réalisatrice d'ailleurs qui me fait des signes en mode. Moi aussi, quand j'étais petit, je lisais aussi Ultimate Spider-Man. Et ouais, on a lu les mêmes choses en fait. C'est ce qui sortait en même temps et. C'est marrant. Et à l'époque, ça coûtait super cher parce que du coup, ça coûtait genre 5 euros et il y avait une histoire. Donc c'était la carotte. Tout fin, c'était tout fin. C'était ouais, donc du coup, j'ai acheté ça. Et puis en fait, Ultimate Spider-Man, ça m'a un peu dégoûté. J'ai complètement lâché. Et puis après, j'ai repris à la fac avec le jeu Batman Arkham City. Et je suis allé à Planète Interdite, petite pub. Et j'ai commencé à acheter mes comics. Et depuis, ouais, j'ai commencé au New 52. Mes premiers comics, ça doit être la cour des hiboux de Batman. On était à où ? Allez, le Julien Lepers que je suis, enchaîne avec la deuxième question. Deuxième question, vas-y. Qu'est-ce qui vous plaît dans les comics ou dans ou la bande dessinée américaine, comme on dit, dans le pays de Richelieu ? Bah, toi, tu vas commencer. D'accord. Bah moi, c'est avant tout mêler un bon scénario avec de bons dessins qui me plaît le plus. Dans la franco-belge, mais aussi le découpage des cases n'est pas pareil dans le comics américain parce que c'est un peu plus dynamique, on fait sortir les personnages des cases. Enfin, y a des trucs un peu plus stylisés. C'est ça que j'aime dans les comics avant tout. Et après, c'est qu'il y ait plusieurs genres, plusieurs styles différents. Il n'y a pas que le super-héros dans le comics. Et du coup. N'importe quel genre au cinéma que vous aimez bien, l'horreur ou quoi, vous le retrouverez forcément dans le comics. Donc voilà, c'est pour ça. Okay. Je vais enchaîner, comme on va faire un... C'est beau ce que tu dis. Merci. Moi, je pense que j'ai un vrai attrait avec l'univers déjà du comics. Parce que si j'ai commencé, c'est grâce à Batman ou grâce à Spider-Man, des héros. T'as envie de commencer parce que tu connais déjà les personnages et les univers. Aussi, j'ai un grand attrait avec le trait du comics. Je trouve ça plus joli que le manga ou que même... La franco-belge est tellement différent que. Enfin, j'ai vraiment je trouve vraiment que le comics c'est joli. Et j'aime beaucoup les univers partagés. Je trouve que le côté continuité et univers partagé, le fait que tout le monde soit dans. On retrouve que au comics des trucs comme ça où t'as tout un univers avec plein de. Enfin, chez Marvel et DC, avec tout plein de héros qui interagissent et tout. Et ça, je trouve ça cool. Donc, je dirais ça pour ça. Enchaîner avec Gilles. Ouais, moi je te rejoins sur ce point-là aussi, c'est le fait d'univers partagé, j'adore ça. De savoir que n'importe quand tel personnage peut arriver dans l'histoire de tel personnage, et il n'y a que les comics pour faire ça. Et aussi la richesse des personnages, hein, parce qu'il y a tellement de personnages qu'il y en a forcément un ou deux, enfin même plusieurs que tu vas aimer, et même si tu n'accroches pas avec tel personnage, tu sais que un personnage que tu vas aimer va arriver, du coup tu continues. Et le fait que même si on a toujours tendance à rapprocher ça pour les enfants, les super-héros et tout, c'est quand même des histoires certaines qui sont très adultes et tout, et ça me plaît beaucoup. Ça m'a touché, petit Gilles. Du coup, moi, je vais être complètement à l'inverse de vous. Moi, ce que j'aime, c'est la périodicité, en fait. J'aime, tous les mois, j'ai mon histoire. Ouais, mais t'as pareil en manga. En France, moins quand même. Moins. Genre Naruto, t'as des fois 2 à 3 mois pour avoir ton tome, ou genre One Punch Man, c'est pareil, le 2 est sorti. Après, oui, voilà, du coup, c'est encore pire. Genre, on parlerait plus tard, mais je prends. La quantité et la qualité ? Non, je préfère. Enfin, mais j'aime suivre une histoire, je le dirai après, mais je prends énormément le train. Et genre, il me faut toujours un truc à lire. Et lire une franco-belge, et attendre 6 mois, et me dire putain, qu'est-ce qui s'est passé ? J'adore ça, tu vois, tous les mois, t'as ton truc. Et puis après, ouais, j'aime bien que les héros, entre guillemets, de mon enfance, soient là, se fritent, qui se croisent. Et puis j'aime beaucoup le dessin très cartoony, donc il n'y a que là qu'on peut en avoir, ou dans des livres pour enfants, mais bon, il n'y a pas trop d'histoire dans les livres pour enfants. Ok, bon, on va passer à une question. Est-ce que tu veux qu'on switch la personne qui pose les questions au fur et à mesure ? Moi, ça me va. Si quelqu'un veut prendre le rôle de Julien Lepers, vas-y. Alors, mes chers amis, quel est votre éditeur favori ? Moi, ça va être très simple. Je vais répondre avant lui. Vas-y. Je veux répondre avant toi. Et je veux crier devant cette caméra. War, là. Ça va être la Civil War. Que je suis un DCiste convaincu. Que tu l'es pas. Non, bon, moi, ça dépend des relaunchs, des saisons, des titres. Cette personne avait comme bio Twitter, avant d'avoir une superbe phrase qui est de moi d'ailleurs. Je te dois 50 euros. Son temps à chier sur DC à longueur de temps alors qu'il avait ça en bio Twitter et j'arrêtais pas de lui dire mais putain mais change ta bio Twitter mec, à chaque fois tu es en train de cracher sur Warner, sur DC en mode ouais c'est des connards nanani nanana. Du coup maintenant tu achètes beaucoup plus de Marvel que de DC. Non, j'achète à peu près pareil, mais ça dépend des saisons, ça dépend des arcs. Là pour l'instant je préfère Marvel. Mais on est obligé de. T'es pas obligé de choisir. Hein, si... Faut choisir ton éditeur préféré, il n'y a pas que Marvel et DC aussi. Oui, mais tu peux choisir. Si ton éditeur préféré. Il n'y a pas des questions après votre choix entre Marvel et DC ? Non. Non ? Bah, franchement, je ne serais pas choisir entre les deux grosses maisons. Mais. Si tu préfères l'image, tu peux dire l'image. Non, mais après, je trouve que chaque éditeur ont leur. Non, je sais pas, c'est compliqué. En ce moment, ce que je préférais actuellement, c'est du Marvel pour son Star Wars et pour Spider-Man. Actuellement, je dirais Marvel. Mais après, je suis pas en VO, je suis en VF. Donc, voilà. Moi, c'est DC aussi. Moi, je lis quasiment pas de Marvel. Du coup, moi, je lis pas. À part ce qui me passe. Ouais. C'est tout. Mais voilà. Un DCiste aussi. On est dans un podcast à majorité DC. Bon, on va faire une Civil War maintenant. C'est parti. Quatrième question. Alors, quels sont vos trois super-héros préférés ? Qui c'est qui commence ? Vas-y, Max. Damien Wayne ? Alors, tu les réponses, qu'est-ce que j'avais mis ? Je sais plus. Tu dois t'en rappeler, mais ça doit venir du fond du cœur. En fait, pour le j'ai préparé mes réponses en fonction de ses réponses à lui. Parce que je savais qu'il allait me piquer des trucs. Je dirais tout le Spider-Verse. Enfin, du coup, moi j'adore le Spider-Verse, donc j'adore Spider-Man et Spider-Gwen. Après, je pense que j'ai mis Batgirl. Et en troisième, deux ça me suffit. J'en ai pas besoin de trois. Le mec il a choisi tout Spider-Verse. Ça me suffit. Oui, ouais, c'est toute la ligue du Cissé. Mais tu vois, c'était en fonction, tu vois. Je pensais pas passer le premier, je pensais que tu vois, il allait prendre tous les trucs bien et qu'il allait rester les miettes, tu vois. Bon, bah moi j'ai choisi Batman, et puis Batman. Waouh, trop d'originalité. Non, Batman, Spider-Man, parce que Spider-Man. Le truc avec Spider-Man, c'est que tu en lis n'importe quand, même si c'est pas ouf, à chaque fois c'est frais, c'est sympa et. Et je trouve que c'est un personnage qui reste assez constant dans ce que tu dis, c'est toujours cool. Et c'est un personnage qui est attrayant, qui est sympa. Donc ouais, je dirais Batman, Spider-Man et Flash. Après ? Vas-y. Bah moi c'est après pareil, on va mettre en troisième Hit Girl parce que c'est l'un des... Enfin c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est une anti-hero que je kiffe trop, enfin... bien déliré et même dans ses interprétations au cinéma je la trouve cool. Ensuite bah, je mettrai Spider-Man parce que Spider-Man c'est mon héros d'enfance, c'est entre autres lui qui m'a éduqué quand j'étais petit. J'ai été éduqué par Spider-Man, je peux le dire. Non, c'est vraiment un héros que j'aime beaucoup et même encore maintenant, c'est comme tu dis pour les mêmes justifications que James. Et ensuite, bah, je mettrai Batman en premier parce que Batman, c'est. C'est Batman. Enfin, si, mais Batman, c'est vraiment le super-héros avec un scénario intelligent où tu t'ennuies pas. Et avec c'est. Et avec un super. Ouais, plein de super-vilains. Enfin. Spider-Man, c'est qu'il a les meilleurs vilains. Non, mais il n'y en a pas autant que Batman. T'en as 3-4 de coup. Oui, bah Mysterio. Voilà. Mysterio, le vautour, Octopus et Bouffon Vert. Et les autres ? Bah, c'est déjà ça. Ouais, mais bon, tu t'en fiches un peu de. Non, ils sont cool. Ouais, bon. Ouais. En fait, tous ceux qu'on voyait dans le dessin animé des années. Ouais. Non, Octopus est cool, le Bouffon Vert est trop cool. Non, et. Le Kaïd aussi. Ouais, le Kaïd, c'est plus Daredevil. Bah, à la base, c'était Spider-Man, non ? Je sais plus. Je crois que c'était dans Spider-Man. Donc, toi ? Ah oui, moi. Moi, je pense. C'est des personnages que je pense pas que ce soit les favoris de tout le monde, mais moi j'adore. Je suis un gros fétichiste des arcs, du coup j'adore Green Arrow et Hawkeye. Je sais, mais du coup je les place à peu près. J'adore Green Arrow et Hawkeye parce qu'ils ont des arcs et parce qu'ils sont cool. Non, mais on parle du personnage en lui-même. Moi j'adore le personnage. J'adore Thor aussi. Thor, je le trouve cool. Et comme tout le monde, bah, y a Batman quoi. Batman, il est au-dessus de tout le monde. On m'a dit dernièrement qu'on a dit de la merde sur Ezabredi qui était. Si, il était à la Comic-Con. Il était pas là, il devait venir et il est pas venu finalement. Mais il y avait des planches à vendre et tout. Bah ouais, mais il y avait des planches à vendre, mais il était pas là. Bah écoute, c'est pas grave, tant pis. Du coup, pour moi, maintenant, tu es la confession Stéphane Hamel de ce podcast. je veux que tu le saches. Et Jérémy Renner aussi. C'est pas toi, j'adore Jérémy Renner comme acteur. Je l'adore. T'aimes bien les bras huilés. Ouais, et les alcooliques un peu. C'est pour ça que tu aimes beaucoup Thor. j'ai dit Thor, Batman, Hawkeye et Green Arrow qui m'apparaît. Okay. Voilà. Du coup, j'en fais une autre, ouais. Oui. Donc, notre cinquième question. Après les super-héros, quels sont vos super-vilains préférés? Ça va être compliqué, là. Pourquoi tout le monde me regarde? Bon, je commence, alors. Hein. Vas-y. Le Joker. Mysterio. J'adore Mysterio. C'est cool. Et Lex Luthor. Ah, Lex Luthor, ouais. Moi aussi, il y a Lex Luthor, que j'adore. Il y a Docteur Doom. Et Magneto. Et Magneto, c'est mes trois, ouais. Docteur Doom, Magneto et... Et Lex. Mais Lex Luthor et Magneto, ils sont trop cool parce que c'est des héros que tu peux comprendre. Enfin, c'est des vilains que tu peux comprendre. Quand ils font des conneries, tu leur dis, mais on peut pas trop leur en vouloir parce qu'ils ont raison au final. Ouais. Enfin... Bah, Magneto, Doctor Doom et... Non, Magneto. Bah, c'est vrai que Magneto, il veut le bien des mutants, quoi. Et... Oui. Et Lex Luthor, en fait, il veut le bien de l'humanité. Ouais. Il veut se débarrasser de Superman qui est l'invasion. Je trouve ça cool. C'est vrai. Max? Moi, du coup, il y aurait Mysterio. Parce que. Mysterio, il est trop cool. Du coup, il y a Goldargel. Moi, j'aime trop Goldargel dans la Rogue Gallery de Batman. Ces épisodes de la série animée. Ouais, ils sont trop bien. Et j'en avais un, il m'est parti. Enfin, il a. Et Gorilla Grodd. Le Rhino. Pour les gens qui me connaissent, c'est la caution montagne de ce podcast, le Rhino. C'est le personnage décérébré mais qui casse des gueules. Et sinon, j'aime bien beaucoup Gorilla Grodd. Ouais, Gorilla Grodd. Mais pourquoi tu veux pas sa figurine? Si vous l'avez pas vue, il y a une figurine Kotobukiya qui est géniale de lui. Elle est trop belle. Parce que j'ai déjà pris quoi, celle de Spider Gwen. Et du coup, je dirais Double Face, parce que Double Face c'est un personnage torturé, schizophrène, puis à la base c'était un gentil qui est passé entre du côté obscur. J'aime bien ce personnage, je trouve qu'il est bien travaillé dans le run de Jeff Loeb. Et Jeff Loeb, après je dirais le Bouffon Vert, Norman Osborn, parce que lui il est, enfin je trouve que c'est le meilleur méchant de Spider-Man qui lui a fait le plus du mal. Non. C'est le Rhino. Non plus. Mais Norman Osborn est celui qui a brisé Spider-Man, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un super bon vilain. Et bien sûr, en numéro 1, le Joker, parce que... tu l'es fait à chaque fois, voilà. 3 ans. Non, parce que le Joker, il est super cool. Enfin, il a plein de facettes différentes, toutes ses interprétations sont bien. Enfin, ouais. C'est un super bon personnage qui a maintenant 76 ans, donc... Il fait du bon jus d'orange. Ça, on va le couper au montage, par contre, parce que c'était pas très drôle. Encore la blague du Rhino, ça passait, mais... Ça a fait beaucoup rire notre réalisatrice, donc on la gardera. On va changer. Alors, quel est votre scénariste favori? Et je vais le dire en premier, parce que sinon, il va me les voler. Alors, moi, j'irais Snyder. Snyder. J'aime beaucoup... putain, merde. Jeff Lemire. Et Alan Moore, quand même. Et puis Miller, mais ça dépend de quoi. À moi ? Du coup, pour te... Parce que du coup, je t'ai dit, j'ai tout fait mon quiz en fonction de toi, tu vois, j'étais là. James, il va dire ça. Du coup, en scénarisme, même s'il est plus dessinateur que scénariste, j'aime beaucoup Manapool sur Flash et sur Trinity, même que je n'ai pas encore lu. J'aime bien le run de Slott aussi sur Spider-Man. Après... À partir de un jour nouveau en plus, en fait. Ah, mais sur un jour nouveau, je trouvais qu'il était un peu mauvais, Slott, et qu'après, il est devenu bon au fur et à mesure. Si. C'est à partir de lui. Il y a plusieurs auteurs différents, et Slott, il en scénarise. Et après, je vais citer la némésis de James, Jonathan Hickman. J'aime vraiment Hickman. Je trouve que c'est vraiment trop. Du coup, t'as surkiffé Secret Wars? Ah non, j'ai pas lu Secret Wars. Il a lu le premier numéro et ça lui est tombé des mains. Vas-y Gilles. Tu avais un peu plus de mal, tu disais. Ouais, mais parce que moi, en fait, quand je lis un comics, je regarde jamais le qui est le. Pareil pour la prochaine question, le dessinateur, le scénariste. Tu sais pourquoi nous on fait ça? Bon, je pense que on a le même. C'est à cause de Comics Blog, parce que pour comprendre les podcasts de Comics Blog, il faut savoir qui est qui. Ah mais j'écoute pas les podcasts de Comics Blog. Que les podcasts ciné. Même si j'ai un peu de mal avec ce qu'ils font récemment. C'est vraiment grâce à eux que je me suis vraiment remis aux comics, parce que en écoutant ce qu'ils disaient, tu te dis, ah, faut que j'achète ça, puis après faut que j'achète ça. Donc pour commencer les comics, les anciens en tout cas, c'était vachement bien pour. Ouais, bah, mais moi non. Mais du coup, moi, il n'y a que quand je fais les reviews du coup pour Comic Discovery que je regarde qui est l'auteur, le dessinateur. Moi, maintenant, je regarde à chaque mais fois. Sinon, je regarde jamais. Du coup, j'ai pas de. Je regarde à chaque fois pour me dire, ouais, lui, j'aime bien, lui, j'aime bien. Enfin, jamais. Je me permets une question comme ça. Et du coup, comment tu choisis tes comics? Genre, tu vas chez ton libraire indépendant et tu feuillettes, pardon. Tu dis pas, putain, j'avais adoré son run sur Batman et du coup, je fonce sur son Superman. Non. Parce que Maxime, il arrive à Planète, il fait non. Parce que, comme tu le sais, je suis la caution ciné de cette équipe. Et Stéphane Hamel depuis quelques temps, ouais, déjà. Mais pareil, quand je vois un réalisateur de film, des fois il fait des bons films, des fois il fait des films de merde. Du coup, je vais pas me dire, c'est pareil pour les scénaristes, il peut faire un bon run et juste après faire une pondre de merde. Du coup, avec un réalisateur, t'as une certaine, même avec un scénariste, encore plus avec un scénariste, t'as une certaine affinité parce que tu sais qu'il fait ce genre d'histoire, qu'il a ce genre de thème qu'il aime bien, qu'il va revenir souvent. Ouais, bah non, pas pour moi. Du coup, moi je mettrais Jeff Loeb pour Un long Halloween, Un mère à victoire et ce qu'il a fait sur Batman. Jeff Jones du coup, Jeff Loeb pour ce qu'il a fait sur Batman. Et après, j'ai pas lu encore ces histoires de Spider-Man bleu et le gris, mais ça me donne bien envie. Ça a l'air cool, ouais. Et du coup, après, je mettrais. Je sais pas. Bendis. Bendis, c'est cool. Bendis, c'est cool, ouais. Super cool. Je sais pas, Mark Millar aussi que j'aime beaucoup sur Kick-Ass. Non mais sur Old Man Logan aussi c'était trop bien. Je mettrais en premier Alan Moore, ça c'est sûr, parce que je trouve que tout ce que j'ai lu de lui, bah c'était cool. Watchmen, V pour Vendetta, enfin c'est voilà. J'ai Michael Straczynski, je dirais sur Spider-Man parce que c'était énorme. Enfin, c'était vraiment cool, j'ai vraiment kiffé. Je suis étonné que t'aies pas cité Garcenis. Et Gradruka aussi. Sur Gotham. Et ce qui m'énerve, c'est que je sais que j'en ai oublié. Hein. Non, c'est tes scénaristes favoris. C'est au pluriel. Donc, si tu veux, je fais la prochaine. On va tourner comme ça. Est-ce que t'as appris à lire déjà? C'est bon, tu pourras lire les questions. Après, il dit tout le temps que c'est moi qui le clash. Hein, mais je veux pas dire, mais il dit. Il nous a fait un. On va vous raconter les coulisses. Il nous a dit, arrêtez de vous couper. Donc depuis tout à l'heure, je vois qu'il est hyper vigilant sur qu'on se coupe pas. Moi, pareil. Et là, ça fait 3 fois qu'il arrête pas de nous couper. Je m'excuse publiquement. Je mettrai dans le podcast audio. Je m'excuse. Bon, on arrive à la 8e question. Ah non, à la 7e question. Quel est ton dessinateur favori? On va commencer par Thomas, parce que c'est la caution dessin de ce podcast. Ouais. Du coup, je mettrai... Bon, sachant que t'as pas le droit de citer Manapool. Murphy. Ah non, ça je suis désolé. Et Greg Capullo. Bon, ok, bon, pas Capullo ni tout ça. Mais par contre, Sean Murphy, je crois que je le mets presque en premier. Sean Murphy, je le mets en premier. Après, je mettrai aussi Humberto Ramos. Humberto Ramos, parce qu'il fait un truc... tu veux dire Joe Madureira. Non, mais je préfère Humberto Ramos quand même parce que c'est. Voilà. Il travaille sur des plus longs runs que Madureira parce que Madureira ne fait plus de runs. Et il est hyper régulier, Humberto Ramos, et du coup, c'est pour ça que j'adore aussi. Et il faudrait en choisir un dernier. Oula. Peut-être Tim Sale. Tim Sale. Ah, excuse-moi, j'ai l'habitude. Tim Sale. Tim Sale. Parce que j'aime bien sa mise en scène sur les runs qu'il a fait sur Batman avec justement double face, enfin le jeu d'ombre qu'il fait, tout ça, sa mise en scène. Voilà. Bon, moi je vais être ultra classique, je vais dire Ghibli. Voilà, Ghibli quoi. Je pense qu'on est tous d'accord, Ghibli. Sean Murphy et Bacalo, et puis j'aime beaucoup Madureira aussi. Bacalo, c'est... Je vais essayer de vous mettre des images à chaque fois de chaque dessinateur. Pour la version audio, vidéo, parce que audio, c'est... Et pour la version audio, on vous enverra des commissions. Et Capullo, parce que le mec fait un travail. Et oui, et Manapool, bien sûr, Manapool. Et ma réalisatrice me souffle Manapool. Mais Manapool, c'est tellement ouf. C'est tellement beau. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi Jim Chung. Et bah, Quapel, c'est super. Mais Jim Chung, c'est pas le sous Quapel. Non, c'était fort. Ceci était une vanne pour faire chier quelqu'un et réécoutez le premier podcast et vous aurez la vanne. Bah, vas-y, toi. Du coup, tu m'as appris quasiment tous les gens que je voulais dire. Bah, du coup, j'adore Jim Lee, mais je vais dire des gens que j'apprécie beaucoup et qui prennent de plus en plus de place dans mon cœur. Il y a Sarah Picelli, qu'on a eu la chance de rencontrer à la Comic Con. J'aime beaucoup Elsa Chartier. Et du coup, vu qu'on parle d'Elsa Chartier, ça me fait penser à Darwin Cook. Big up à lui. Rest in peace. Ouais, mais j'aime ses autres dessins. Et pour moi, ma petite série que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Bab Star qui a fait le run de Bad Girl, qui est pour moi le meilleur run ever. Et puis Kubert aussi, Adam Kubert. Sur le run de Morrison, c'est génial. Bah, moi, c'est la même réponse que pour la question précédente. Tu sais pas, je sais pas, pareil. Tu connais pas le nom de tes dessinateurs préférés? Je regarde pas, non, je regarde pas qui c'est qui fait les dessins. Mais il faut regarder. Tu vas apprendre à regarder. Ah ouais, faut y faire attention. Franchement, je peux pas vous dire qui a. Parce qu'encore un auteur. Ça m'arrive de pas m'en rappeler, mais un dessinateur comme ça, après, si t'aimes bien. C'est pas que je m'en rappelle pas, c'est que je regarde pas. Oui, je sais. On va lire des comics, je retenais pas les noms. Ouais, bon, on va enchaîner. On va enchaîner avec quel est votre film issu de. En fait, je suis en train de rigoler parce que je vois la réponse de Maxime écrite sur le truc. Et quel est votre film issu de comics préféré? Je vais le dire avant lui, Gardien de la Galaxie, parce que Gardien de la Galaxie, Chris Pratt, voilà. Tiens. Du coup, vu que tu m'as piqué ma réponse. Et du coup, je vais dire ma autre réponse. J'ai beaucoup de sympathie pour The Amazing Spider-Man 2. J'ai beaucoup de sympathie juste parce qu'il y a. Andrew Garfield. Non, juste parce qu'il y a Emma Stone et qu'elle est blonde. D'accord. Non, mais je sais pas. Un autre film, juste pour. Vu que vous êtes fan de Chris Pratt, je me demandais. Dans les yeux en le disant, il y a Batman vs Superman. J'ai le droit de dire Suicide Squad. Vas-y, si tu veux. Non, c'est pas Suicide Squad. Moi, c'est. Mais j'étais pas au Pokémon, j'ai beaucoup aimé Suicide Squad. Enfin bref, moi c'est le premier Avengers, mon film, ouais, c'est vrai, parce que c'est la première fois qu'on voyait tout ça et enfin voilà, c'était une vraie. C'est vrai que c'était cool. Film de sur. Est-ce que je peux en donner deux, ouais, dans deux genres différents? Je mettrai The Dark Knight avec Christopher Nolan et Kick-Ass 1. Et Watchmen aussi. Ouais, Watchmen. De Zack Snyder aussi, je le mettrais bien. Ok, on va enchaîner. Qu'est-ce que on va donner le micro à Gilles, puisque c'est la question. Stéphane Hamel. Alors, que pensez-vous des séries télé adaptées de comics? Bah, moi, je les suis toutes, déjà. Je les regarde toutes les séries, sauf Supergirl. Il y a juste Supergirl que je n'ai pas encore regardé. Mais que je vais regarder. Je compte le faire. Mais sinon, j'adore Gotham. Moi, j'adore Gotham. Et c'est cette personne. Elle est je suis là. J'adore Gotham. J'ai pris un grand plaisir à regarder la saison 2 de Gotham, c'était trop bien. Voilà. Et sinon, pour après, Arrow, Flash, Shield, les trucs comme ça. Legend of Tomorrow, ouais. Je les regarde tous. C'est vrai que des fois, je me fais chier devant. Mais je m'accroche c'est et je bien, regarde tout. De Mais je regarde tout et voilà. Du coup, j'attends avec impatience la rentrée télévisuelle là, pour continuer mes séries. Alors moi je regarde toutes les séries Netflix issues de comics parce que Daredevil et Jessica Jones c'était trop bien, et après les séries DC elles me disent vraiment que dalle. J'ai regardé Smallville quand j'étais petit, ça m'a arrêté direct. Et Green Arrow ça... Smallville, c'est mieux que Flash, hein. Ouais, non mais ça me dit vraiment rien les autres séries. On nous souffle les éclairs, mais il est trop jeune pour... Mais je vois avec le Superman c'est, qui sautait du cadre et pour s'envoler. Et du coup, après, j'aime bien les séries de Robert Kirkman, Walking Dead et Outcast. Il est producteur là, sur la fin. Voilà, calme-toi. Allez. Bim. On va finir avec Maxime parce que ça va être celui qui va le plus défendre. Moi, je pense que je vais être. Je vais avoir beaucoup de gens qui vont contre. L'extrémiste est là. Extrémiste. Je trouve que. Arrow, j'ai dû regarder deux saisons ou trois saisons. Deux saisons, ouais. Et ça m'a saoulé. C'était toujours pareil. Et je trouve que c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment pas top. Je trouve que Stephen Amell est. Enfin bon. Petit Gilles, je pense à toi. Flash, j'ai regardé la première saison. Et le final, ça m'a tellement. J'ai tellement trouvé ça nul à chier. Avec tout petit spoil, avec Flash qui court sur des cailloux, c'était tellement ridicule que je me dis bon, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, j'ai mal à mon Flash, j'ai mal à mon Manapool, et donc j'ai arrêté. Et Legend of Tomorrow, il m'a suivi d'un épisode pour me dire non, non, mais c'est fini. Et on... C'était bien. Mais on n'a pas parlé des dessins animés aussi. Batman des années 90 aussi. Après, dans les, ouais, les ouais mais on va dire on va se réduire à ce qui se fait maintenant. Ouais, ouais, sinon ça va durer longtemps. Je regarde Preacher. Après, je regarde vraiment pas beaucoup de. Genre Gotham, j'ai laissé tomber dès le début parce que ça me plaisait pas. Il y a quoi d'autre en série télé? Agent of Shield, j'ai tenu une saison. T'es courageux. Ouais. Franchement, ouais, il y a peu. Je trouve que c'est vraiment peu de qualité, donc je ne suis pas les trucs qui me plaisent pas. Bah, celui-là, les séries Netflix, elles sont bien. Ouais, non, mais les séries Netflix, c'est génial. Franchement, c'est Netflix qu'aux séries. Franchement, la première saison de Daredevil, je n'ai pas aimé. La deuxième, j'ai bien aimé la première partie avec le Punisher. Mais après, Et est-ce que tu as aimé la deuxième partie avec l'assistant du procureur? J'ai adoré. Alors, heureusement que tu étais là. Jessica Jones, je n'ai pas regardé en entier parce que je me saoulais. Tu peux regarder jusqu'à l'épisode 8. Mais je vais les regarder parce que Luke Cage ça me tente, Iron Fist ça me tente, du coup je vais finir Jessica Jones, c'est prévu, mais j'ai arrêté. Bon allez Max, vas-y, fais ton fanboy. Moi j'ai beaucoup de bienveillance pour les séries de la CW et je les regarde tous les jeudis et je passe d'excellents moments. Et une petite dédicace à quelqu'un qui nous regarde peut-être. JP, si tu nous regardes, je pense à toi. Et du coup, moi j'ai beaucoup de bienveillance et en fait. Ça me fait penser un peu, tu vois, il y a des bons runs, il y a des runs plus moyens, il y a des mauvais runs, tu vois. Et Arrow, tout le CWverse, c'est des runs moyens que tu regardes comme ça, que tu lis, que tu ne prends pas la tête. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir. Après, c'est sûr que dans les séries qui sont maintenant, le haut du panier, c'est Daredevil, Jessica Jones, bientôt Luke Cage. J'ai pas vu, mais si la réalisation est plus soignée, il y a plus de budget, enfin... Mais mes petits chéris restent Flash, Arrow. On se retrouve les jeudis. Ouais, bah écoute, tu peux venir chez moi tous les jeudis, y a pas de problème. Et comme on est en train de parler des séries télé, on va faire peut-être, je sais pas si une annonce ou quoi que ce soit. Mais pour Luke Cage, on essaiera de faire un petit podcast autour de Luke Cage. Peut-être en même temps qu'on regarde, parce qu'on va regarder. A priori, on va regarder. A priori, ça se passera chez moi. Donc peut-être que vous aurez le droit. Plus un podcast audio, parce que la vidéo, ça va être relou à prendre tout le matos. Mais on vous donne rendez-vous. Après le 37 ans. Et puis tu as pas dit que dans Arrow il y a la merveilleuse et magnifique Cathy Cassidy. Cet homme lui a dit, on lui a envoyé un message sur Twitter, il a dit souhaite l'anniversaire à Maxime s'il te plaît. Elle ne l'a jamais fait. Elle l'a jamais fait. Je pleure tous les jours en regardant. Alors que tu vois la mère de Buffy, quand j'ai demandé pour Faye, elle lui a fait. Tu vois. Waouh. Il y a des actrices comme Cathy Cassidy. Puis il y a Donna. Comment elle s'appelle déjà ? Catherine Sutherland. Tu crois que Dominique Purcell il me souhaiterait mon anniversaire ? C'est vrai que t'avais dit que t'aimais bien Dominique Purcell. Bon, on va passer à un autre truc. Une question que je trouve vraiment intéressante. Quels sont tes formats de lecture favoris? Donc en format lecture VO ou VF, plus kiosque, plus hardcover, plus des omnibus, plus... on va commencer par Thomas. Ouais, donc moi je préfère le format hardcover. Enfin, c'est le meilleur. Parce qu'en kiosque, des fois il y a des... Comme ça, si les gens ils savent pas ce que c'est hardcover... Ouais, comme ça. Une couverture. Comme ça. Libraire, format libraire un peu, voilà. Et kiosque, tu peux montrer le... Kiosque, c'est ça. Et il y a l'entre-deux, le... Bah, c'est un kiosque, ça, non? Non, c'est un souple. Et du coup, moi, je préfère le format hardcover parce que souvent, c'est des histoires complètes et que... Parce que dans l'hardcover, vous allez avoir un bout de série entier, alors que dans le kiosque, ça va être plein de séries différentes. Ça va être plein de séries différentes. Et du coup, moi, j'aime bien avoir l'histoire en entier et finie. Mais je trouve que le format kiosque, c'est bien quand t'as pas envie de te ruiner. Donc, mais bon, après, en main, c'est mieux d'avoir un hardcover. Donc voilà. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, j'aime beaucoup la librairie. Enfin, parce que le hardcover, on va dire librairie, c'est peut-être plus... Ouais. J'aime beaucoup la librairie, mais je suis plus kiosque parce que pour le côté collectionneur. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté avoir tous les numéros du 1 au... avec tous les trucs. En plus, ça sort en avance. Il y a plus de séries. Il y a des trucs en kiosque que vous n'aurez pas, en librairie, par exemple. Donc, je prends les deux et que de la VF parce que je lis pas la VO. On n'a pas de magasin VO en Montpellier. Donc, c'est malheureusement, peut-être que je l'aurais fait. Sinon. Et donc, je suis plus dans le kiosque. Voilà. Du coup, moi j'aime les deux parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai une heure de transport en commun par jour. Donc en fait, je me vois mal me sortir mon omnibus de 600 pages dans le tram. Et... Et donc du coup, pour une lecture quotidienne, j'adore le kiosque. Et puis du coup, il y a des nouvelles séries. Et en fait, vu que c'est pas cher, toi, je me lance dans des séries où que j'achèterais pas d'habitude. Genre là, je suis en train de lire les X-Men 92 en kiosque en VF. Ça passe, mais j'achèterai jamais le TPB. Que les après l'art cover, c'est plus comme tu disais, c'est un bel objet, c'est un truc que tu mets dans ta bibliothèque. Généralement, les planches sont un petit peu plus grandes, parce que du coup, si on compare, il est un petit peu plus grand que le kiosque, et du coup, les dessins sont un peu plus beaux. Du coup, moi, je suis sur les deux. Le papier est meilleur, ça s'abîme moins. Sur une bibliothèque, ouais, c'est super beau. Je peux appeler ma mère deux secondes, parce que sinon après, elle va me saouler. Faut le laisser dans la vidéo, ça. C'est bon, ça ? Ok. On est en train de dire quoi ? Ah oui. Moi, c'est kiosque et libraire aussi. Kiosque, quand je prends une série en cours, qu'il n'y a pas encore le libraire qui est sorti, mais si une série est sortie entièrement et qu'il y a le libraire, bah, au lieu d'acheter les 15 kiosques, je vais m'acheter le libraire, quoi. Ce que je voulais dire aussi, en kiosque, c'est plus facile de suivre un event qu'en librairie. En librairie, tu ne peux pas acheter tous les TPB, tu n'auras pas tous les tie-in. Ouais, c'est vrai, ouais. Un des avantages du kiosque. Mmh. On va enchaîner. Ta rencontre la plus marquante avec un artiste, et je pense que je vais la partager avec Max. Moi, ça a été Manu Dasrar, je pense. Et puis Kelly. Parce que Manu Dasrar, on a eu en interview, on mettra l'interview là. Cet homme, c'est le nicest guy au monde. Ouais, c'est le mec le plus adorable. Genre, tu le vois, t'as envie d'y faire des bisous. À la fin, j'étais en mode. Oui, vous avez il a voulu un flyer pour regarder ce qu'on fait. Il a pris le temps de signer parce que je voulais qu'il signe 2-3 comics à moi. Il avait pris le temps de signer un comics et tout. Vraiment. Il avait tweeté la vidéo et tout. Ouais, le mec est trop gentil. Et en plus, il fait des super lives où il dit là, je fais un triangle, là, je fais un rond et là, ça fait Superman. Non, ça, c'est Jim Lee. Il l'a fait, mais sauf que lui, c'est plus. Alors, toi, là, tu fais un ovale. Et là, tu fais un demi-ovale tétraédrique. Lui, il est un peu plus matheux, tu vois. En tout cas, comment t'as su. Puis Kelly était un peu plus froide et Manu Dasrar. Mais en fait, moi, j'ai une anecdote, c'est que tous les auteurs de BD que je rencontre, ils se foutent de ma gueule. Merci, tu me rassures, ça va. Je pensais que c'était limité qu'au monde des comics, tu vois. Ça va, je vais mieux dormir. Parce que du coup, Kelly, du coup, elle me fait mon dessin et elle me dit. Oui, et du coup, elle me dit, tu t'appelles comment ? Je dis Maxime. Elle me dit, Maxime avec un Y ? Je dis non, avec un I. Elle me dit, ah, mais je pensais que c'était pour les filles. J'ai jamais vu Maxime avec un Y. Moi non plus. Et Elsa Chartier et Pierre Collinet sont vraiment trop, trop gentils. C'est juste les meilleurs. Bah, moi, ça va être rapide. J'ai pas eu de rencontre avec d'artistes issus de comics. Issus de cinéma, oui, mais pas de comics. Et juste, vas-y, comme tu es la caution cinéma, tu peux parler de. Le dernier que j'ai rencontré, c'était Franck Dubosc. Oh là là. Pour l'avant-première de Camping 3, du coup. Bon, on s'arrêtera au début de la question quand il disait qu'il savait pas. Hein. Non, vas-y à toi. Du coup, moi, pour faire plaisir à Maxime, je vais dire Liber Mero, parce que c'est vraiment un très grand artiste. Et j'étais super content de le voir. Enfin, c'est juste, je crois que c'est ma première rencontre d'un artiste avec un artiste comics. Bah, du coup, je vais choisir elle. Mais j'ai bien aussi aimé rencontrer Boostim. Mais bon, après, c'est oui, Beat. Mais après, c'est assez rapide comme rencontre, t'as pas le temps de faire grand chose. Ouais, puis Bruce Timm, il est assez austère. Hein. Enfin, genre, je sais que James et sa charmante amie Faye, ils ont demandé une photo. Le mec, il a l'impression qu'il avait envie de se tailler les veines. Mais Faye a essayé de lui faire une vanne, de lui poser une question, il a demandé ses inspirations pour Catwoman. Le mec, il lui a répondu, mais en mode, j'ai trop. Elle l'a pas vécu comme ça, mais moi je l'ai vraiment vécu comme. J'avais l'impression qu'il lui disait, mais t'es trop une conne, pourquoi tu poses cette question. En mode. Oui, il t'a répondu, parce qu'elle est derrière, elle nous répond. Mais il lui a vraiment dit en mode. Il lui a répondu, genre, je m'en fous de ce que tu. Alors, je fais pour ceux qui n'ont pas le son. Alors, du coup, il a répété sa question et il lui a donné ses influences. D'un air très austère. Oui, mais c'est pour les gens. Donc elle disait qu'il a eu un peu de mal avec son accent, parce qu'elle voulait pas... Elle a pas un l'accent du sud, tu vois. Un peu cher. Elle lui a dit, oh, peu cher, fafache con. C'est quoi tes... What's your inspiration? Ouais, voilà, c'était un peu ça. Et, mais même enfin, je vais pas... Elsa Chartier a dit qu'elle avait mangé avec lui et que c'était un peu froid. Moi, j'ai une autre anecdote avec un artiste, elle est très courte. Ouais. C'est quand j'ai rencontré Humberto Ramos, je voulais lui acheter un print. Et genre, du coup, il me le signe tout ça et je me barre avec le print. Et ce que j'avais oublié de payer en fait. Et du coup, il y a la sécurité qui commence à me prendre comme ça. Je fais ah, mais non, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. J'étais juste. Enfin, je sais pas, il y avait un marteau devant moi. J'étais oh, trop bien. Du coup, j'ai carrément zappé de payer et la sécurité m'a regardé assez mal. Mais un marteau Ramos m'a fait comme ça. Du coup, je me suis bon. Il a pas mal. Si, finalement, j'ai dû le payer après. Bon, mais... du coup, vu que Gilles a pas d'anecdote, je raconte mon autre anecdote. moi aussi, je l'ai. J'ai une anecdote avec C3PO. J'ai fait pipi à côté de l'acteur C3PO. C'est aussi une super anecdote. Moi, j'ai une anecdote avec Monsieur Paul Dini. Genre, c'était le vendredi à la PCE. Et du coup, à un moment, il n'y a pas trop de queue. Il y a 10 personnes devant moi. Donc, j'y vais, j'attends mon petit quart d'heure. Donc, on le voit. Et lui, il est très accessible. On peut parler et tout, rigoler. Et je me suis tapé la honte devant lui parce qu'il s'est foutu de ma gueule en plus. Parce que du coup, je lui dis alors. Tout le monde avait, en fait, pour vous dire, tout le monde avait un Mad Love à signer. Et le mec a dû signer peut-être 4000 Mad Love dans le week-end. Alors je lui dis alors, ça fait quoi de signer. Je lui dis, ça fait quoi de signer le millième Mad Love de la journée et tout. Et il me regarde, il me fait ouais, mais c'est trop bien de signer ça. Enfin, j'adore vous signer ça. T'es un con, quoi. T'as pas dit, tiens, c'est mon préféré. Si, mais tu vois, du coup, je sais que moi, j'ai ma note préférée de Boost Team, de Paul Dini. Aux 1000 autres personnes qui lui ont posé la question. Et la 50e personne qui lui a fait la même. On va passer à un autre truc. Alors, bon, c'est une question un peu très centrée d'ici. Elle était dans le questionnaire, donc je l'ai gardée. C'est s'il devait rester qu'un seul Robin, lequel choisirez-vous? Et je choisis c'est plus pour faire chier Damian Max Wayne. Donc je choisis Damian Wayne, parce que j'adore Damian Wayne, même si j'aime plus Dick Grayson quand même. Mais. Je dirais Damian Wayne parce que j'ai adoré le run de Gleason et Thomasy avec Batman et Robin qui est vraiment génial. Donc je dirais Damian Wayne, mais c'est plus pour faire chez Maxime. Moi je vais dire Jason Todd parce que je trouve que The Red Hood il a un costume beaucoup plus classe que les autres et c'est juste pour ça. Parce que après les Robin, enfin je sais pas, à part Dick Grayson, il n'y en a pas trop qui se démarquent. Eux aussi, et justement. Tu es viré de ce podcast immédiatement. Moi, je sais pas, j'aime pas leurs costumes en fait. J'aime pas les costumes des Robin, surtout celui de Dick Grayson au départ. Mais quand ils passent en Nightwing, enfin, pas Teen Titan. Non, en fait, non, ils ont des costumes pour Rav. Hein. Bah, moi, c'est Dick Grayson, hein, le premier, le seul et unique. Mais parce que j'adore, j'ai lu la Nightwing là récemment et j'ai bien kiffé les Nightwing. Et parce que j'adore Teen Titan et c'est lui qui est dans Teen Titan, du coup, voilà. Non, il manque moi. Du coup, je voulais dire Team Drake, mais je me suis rappelé qu'il y avait Carrie Kelly dans The Dark Knight Returns. Ah oui. Et si du coup, cool. Si elle est cool, avec ses petites lunettes, son petit côté geek et son lance-pierre, et j'aime bien parce qu'elle a un lance-pierre. En vrai, j'aurais dit Barbara Gordon. Il va y avoir un nouveau Robin dans le oui, dessin dans le... animé Batman en Lego là, enfin le dessin animé. Ouais, et puis animé dans Rebirth. Bon, juste pour dire que Maxime a dit qu'il avait une autre anecdote et qu'il l'a gardée pour plus tard. Parce qu'elle est vraiment. elle est vraiment géniale. Elle est exotique. Elle a pas piqué des hannetons, comme dirait quelqu'un. Enfin, on va passer à une autre question. Et c'est quel est votre titre préféré en dehors du genre super-héroïque? Et je suis en train de me rendre compte que j'avais dit qu'on tournait. Et en fait, j'ai fait toutes les questions. Donc, c'est la prochaine, c'est toi qui fais. Donc, quel est ton titre préféré en dehors du genre super-héroïque? Mon titre préféré? Ouais, en dehors du genre. Je vais dire Deadly Class. Parce que j'ai trop kiffé Deadly Class de Rick Remender. C'est dur à dire. Et du coup, non, ouais, c'est vraiment un comics que j'ai surkiffé Deadly Class. C'est... Rick Remender est un putain d'auteur en fait. Surtout dans l'indépendant. Enfin, je conseille à tout le monde Deadly Class, c'est un super comics. Ok. Max, vas-y, c'est un trou. C'est quoi le titre avec Snyder et Sean Murphy? J'ai beaucoup aimé The Wake. Il y a Tokyo Ghost aussi. Ouais, il y a Tokyo. C'est avec Remender. C'est Remender et Sean Murphy. Mais je dirais Black Science pour moi. Pour moi, c'est Black Science. Tout le monde choisit Remender. Non, Non, moi je choisis un truc que tout le monde connaît, mais que c'est pas du super-héros. Moi c'est Walking Dead. Hein. J'adore Walking Dead. Pas mal depuis deux tomes, j'ai un peu décroché, mais sinon j'adore Walking Dead. Ok, bah moi je vais dire Punk Rock Jesus. Parce ouais, que, parce que Sean Murphy. Sean Murphy quoi. et American Vampire, parce que Scott Snyder. Voilà. Et bah, c'est toi qui fais la question d'après. On en est où? La 14, un truc comme ça, ou la 15? Alors, quel est le titre que vous conseillerez pour débuter les comics? Alors, c'est James qui commence. Je dirais le même titre. Punk Rock Jesus, c'est vraiment bien pour commencer. Parce que tu te fais un petit peu au design. Les dessins sont jolis et, les dessins, et le scénario il est super intelligent. En plus, si t'as pas envie de faire trop du super-héroïque, tu vois un peu ce que fait. Ouais, moi aussi je conseillerais ça. C'est super comics pour commencer. Sinon, il y a un vrai propos aussi. Pour commencer Batman, c'est parfait. Iron. Ouais. C'est le meilleur titre pour commencer Batman, c'est celui-là. Maxime est pas d'accord. Moi, je serais plus, parce que quand tu veux commencer les comics, je pense que c'est pour les super-héros, quoi. Je pense La Cour des Hiboux, c'est pas mal. Ouais, la cour des et ce qui est en parallèle avec Nightwing aussi, c'est bien. Tu vois, je viens de comprendre pourquoi on t'a mis dans ce podcast, parce que tu dis que la vérité depuis le début. Tu vois, Stéphane Hamel, La Cour des Hiboux. Tu devrais monter un podcast à toi. Ouais, du coup, moi aussi, je te rejoins. Le jeu de cast. Je te rejoins et je dirais La Cour des Hiboux. Mais si vous voulez partir chez Marvel et un peu voir Spider-Man, il y a Spidey qui est pour l'instant qu'en VO, mais c'est une tuerie. C'est genre Spider-Man dans les années lycée. Genre, c'est Dan Slott qui scénarise aussi. Non, c'est pas Dan Slott qui scénarise. C'est Bendis. Non, c'est pas Bendis. C'est des gens que je ne connais pas malheureusement. Mais les dessins sont magnifiques. Ils sont cartoonis à souhait. C'est à pas piquer des hannetons. Je l'ai mis plus vers l'extrême droite. Du coup, moi, je vais choisir... pour commencer du Batman, je vous conseillerais du coup les New 52 avec La Cour des Hiboux. Peut-être aussi Silence, Batman Silence pour commencer. Après, si vous voulez commencer dans l'indé... Silence, quand même. Si, ouais, on en a parlé, mais si, Silence. Et après, bon, si vous voulez commencer dans Marvel, prenez du Marvel Now. C'est bien pour commencer. Ou les anthologies aussi pour commencer, ça c'est génial. Et après, dans l'indépendant, prenez des titres d'Urban Comics qui sont forcément bien en indé. Enfin, American Vampire, Glénat aussi, mais Glénat, il n'y a pas tout qui est bien, alors que chez Urban, j'ai l'impression vraiment tout leur. Commencez par Descender, c'est génial. On va enchaîner sur une autre question. La dernière. Alors. Non, il en reste, c'est la dernière. Si vous deviez conseiller un site ou un vidéaste qui parle de comics, ça serait lequel? Donc moi je dirais Le Geek Chic parce que c'est vraiment un youtubeur. Allez vous abonner, on met le lien là. Non, on le mettra pas. Non, je rigole. Alors, qui c'est que je pourrais conseiller? Moi j'aime beaucoup Chris, Comics Rise, parce que je trouve qu'il aborde toujours des thèmes, et pas forcément un comics en particulier, mais des thèmes. Et ça j'aime beaucoup, c'est assez original. Et... un youtubeur qui fait plus des reviews, je dirais. Je vais pas conseiller l'amical du geek parce que voilà, t'es là. Mais je dirais. Il y a quelqu'un qui est pas encore très connu, Comics Now. J'aime beaucoup ce qu'il fait, Comics Now. Il a pareil que moi, quoi. Il a mon âge, après le même nombre d'abonnés. Et il fait des bonnes reviews, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Non, mais je sais pas. Enfin, je l'ai déjà rencontré en plus à la PCE. Donc s'il voit cette vidéo par hasard. Voilà. Je vais enchaîner. Je le mets au défi de faire la même chose et de faire un truc avec les 10 questions, enfin les 15 questions, ou les 20 questions, enfin, il est obligé de faire un autre questionnaire, mais je l'incite à faire cette vidéo comme nous. Et si vous aimez le comics, si vous aimez l'humour, et bon, ça parle pas, enfin, ça va pas parler forcément d'actu ou de trucs comme ça, donc vous allez pas regarder ça pour dire ah oui, j'ai vu Suicide Squad, donc je vais aller regarder Rétrophile, mais je trouve que c'est vraiment, ce qu'il fait, c'est très très drôle. Il va très loin dans l'humour et à chaque fois, c'est moi je me pisse dessus à chaque fois que je regarde ses vidéos. C'est toujours de qualité et je trouve que c'est un mec qui est très honnête dans ce qu'il fait. Donc je conseillerais vraiment Rétrophile. Et puis et maintenant, dans les épisodes de Rétrophile, il y a des petites morales à la fin. C'est toujours très bien. C'était un plaisir de t'avoir connu, James. Maintenant, tu vas aller chez lescomics.fr. Non, c'est bon, on va couper ce passage. J'y vais, je me lance. Quoi tu vas parler. Du coup, moi, un site, c'est Comics Blog. Et je. Tu fais cette question pour qu'ils puissent leur lécher les couilles. Je ne regrette pas, mais 5€ premium, c'est moi. Et j'aime beaucoup la team, je trouve qu'ils sont toujours très honnêtes. Et après, en vidéo, je regarde beaucoup Comics Place. Je trouve que c'est celui qui me fait de la bonne humeur. Et puis, je m'y. Enfin, comme parlait Thomas. Non, mais tu vois, c'est le. Enfin, je pense qu'on a à peu près le même temps de lecture de comics. Il lit beaucoup dans le métro. Et du coup, moi, je suis un peu comme lui. Et du coup, tu vois, il donne toujours des trucs à lire. Et je suis un peu comme lui. Après, je sais que. Il y a quelques dossiers qui lui traînent un peu aux fesses, mais bon. J'ai oublié de citer Comic Talk, qui est un super, super site. Pour si vous avez envie du dossier, un truc un peu plus de fond sur l'univers du comics, c'est vachement cool. Et moi, comme je suis la caution cinéma, je parlais d'un site qui parle plus de cinéma super-héroïque que de comics. C'est Les Toiles Héroïques. J'adore ce site, j'y vais tous les jours, au moins une fois par heure, parce que j'adore, je veux toujours voir les news. Et voilà, c'est super complet et j'adore tout ce qu'il fait. Et je voulais juste rebondir sur... je voulais rebondir sur le podcast... T'es d'accord pour Les Toiles Héroïques ? D'accord, c'est un de mes trois sites dedans. Voilà. Bon bah, c'était fini. Bon bah, on a fini. J'espère que vous en aurez un peu appris plus sur nous, que ça vous aura plu. Sachez, pour ceux qui regardent la vidéo, qu'il y a une version un peu plus longue... en audio, donc sur Comics Discovery, je vous mets le lien par là. Donc en audio, donc on peut plus, on est un peu moins censuré, avec un peu plus d'insultes et un peu plus de. C'est surtout toi qui as insulté. Oui, voilà, c'est surtout moi qui insulte Maxime en fait. D'ailleurs, non. Du coup, je sais plus quoi dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à répondre en question en commentaire. Ça nous intéresse de savoir votre avis. Et savoir si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Je tiens à remercier, mais j'ai oublié de le faire en début, j'ai vraiment à remercier encore une fois la Game Taverne qui nous a accueillis pour tourner cette petite vidéo et qui nous accueille tous les 15 jours pour tourner les podcasts, parce que c'est vraiment un endroit super cool. N'hésitez pas à aller sur la chaîne du petit Thomas, le Geek Chic, bon, même si en ce moment il n'y a pas trop de vidéos. Oui, parce que j'ai... En vacances, le pauvre. Voilà, excusez-moi. Non mais je vais reprendre les vidéos très bientôt. C'est quoi ta prochaine vidéo, tu sais ou pas? Je voulais parler... Oui, je vais tourner un truc sur le Joker que j'ai déjà annoncé. Et aussi, je vais faire... Tu peux pas annoncer des vidéos. À chaque fois que j'ai annoncé des vidéos, je les ai jamais faites. Ouais, non mais parce que je suis en vacances et du coup, c'est vrai que je fais pas grand chose et j'ai eu des problèmes de connexion internet. Du coup, ça a fait que j'ai pas pu trop sortir de vidéos. Mais je comptais aussi faire... un truc sur les films DC qui sont sortis cette année. Donc je suis désolé James, je crois pas que ça va être ta vidéo préférée. mais en tout cas, je voulais faire une vidéo comme ça. Donc voilà. Allez sur sa chaîne, n'allez pas sur leur chaîne parce qu'ils n'en ont pas. Et toi James, c'est quoi qui va sortir bientôt? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'annonce pas parce que sinon ça sort jamais. Normalement, il y a un geek en série qui est en préparation que Faye a écrit. Après, on va peut-être faire un truc sur Star Trek si le film nous plaît. Mais il va nous plaire le film. C'est pas J.J. Abrams. Mais c'est pas les non, c'est Simon Pegg qui fait Pegg, je sais pas comment on dit. Qui écrit, mais du coup, ouais, mais du coup ça va être cool. Ouais. La trilogie Cornetto. Tom. Gilles. Gilles, excusez-moi. Peut-être que Gilles viendra parler de Star Trek. On sait pas, on verra bien. J'annonce rien parce que sinon ça va pas sortir. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast. Je sais pas encore de quoi, je parlerai peut-être de Fight Club. Parce que j'ai écrit une review, faudrait que je la fasse un de ces quatre quand même. Maxime, est-ce que tu sais de quoi tu vas parler? Tu as écrit ta revue il y a 6 mois, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Peut-être qu'on fera enfin le quiz que Tom... Que Gilles nous a prévu. Gilles nous a préparé. J'ai vu mon quiz de prêt. Ok, vas-y, et toi? Non, j'ai pas décidé ce que j'allais lire. Peut-être Dissenda. Enfin. Et Thomas, est-ce que t'as une... tu sais de quoi tu nous parleras la semaine prochaine? Non, oui, je pense que je serai là. Je pense que je vais vous parler de peut-être Star Wars Canon 2, tome 2. Je voulais en parler la dernière fois. Donc... Et moi, je vais vous parler de quoi? Ah oui, hein, lui, il va nous parler de Wacky Wars Racing. Ah, tu t'en souviens? Les fous du volant, parce que c'est pas mal. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, parce que c'est cool, les likes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de... Si tu me parles pendant que je le fais, je te fais des jeux. Bon. Alors... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir savoir quand les prochaines vidéos sortiront. N'hésitez pas à vous abonner au podcast parce que c'est cool d'avoir, de savoir quand les prochains sortiront. Et surtout, sur iTunes, mettez-nous 5 étoiles pour qu'on soit mieux référencé. Donc, plus on aura de notes et d'avis sur iTunes, mieux on sera référencé sur le site. Et mieux on sera connu par d'autres potentielles personnes. Excusez-moi. Moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Et je vous fais des bisous. Bye.